J'ai dit comportement bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. Dans les carrés, VIP, qui voudra me gérer? Qui sera la plus fraîche? Tu verras les plus belles fesses. Ouais, collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. On me guette tout en bas, j'ai pas le temps d'avoir le temps. J'étais, je tout égare, s'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé, calé l'affaire, laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire, laissez, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies de terre, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. T'inquiète pour toi, tu verras pire. Je sais même plus ce que je dois faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Sortais de la zone, j'cabrais dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des temples tout le temps pour qui. Espèce d'abruti, parle pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. Je m'en souviens du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Je m'en souviens du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Fais pas l'étonner. Oh, la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Je restais fidèle au barrio. Ils ont mis l'œil sur ma gario. Ils ont mis l'œil sur ma gario. Salut tout le monde, c'est DJ Kaïs. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rai Suprême. علي سرعي تداودية سطاد برشيد كازا محمدية كراج علي زبادة ولا سلمية ولاد بن حمان عايش مقمية قلبان دي ميستاريو جيجا حميدة خلاش فرتي موطر يعطيك سيدة ولاد كازا صحب طربيدة هزو يديكم اليوم نايدة وش تاع قنيطرة ممكن نسو فاس نطلع السما باش نتنفس ولا بودة فخاطر بيبي لا تجيب مهدي ولا ياسين انا اليوم مع جيجا حميدة انا اليوم مع البوني انا سميتي يوكا تاكا وهافينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجا حميدة انا اليوم مع البوني انا سميتي يوكا تاكا وهافينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وهافين وهافين اخواتي بعتولي الفيزا والباس وهافين وهافين اخواتي Back la rap, soit un fond d'Audia. Mon sac match mat ramène, j'ai de la Belgia. Piscine, villa, robot dans un riad. Vodka, whisky, 3 kilos de grillade. Mida au platine, avec qui on fait la gif. Des bombes platine, des bombes jury. C'est la bête, jet set, bouteille rosée. La bête étalée et ne névrosée. On est heureux en tirant l'air, rap fantasia. Fais-moi une danse du vent, couche ta charma. Ouais, c'est halla, soir, c'est hammi. Maman n'aime pas ce que vend Anmi. Ana liouma ma Djidja Hmida, ana liouma ma Albani, ana smiti Yuka Daga, wafina fina akhwati. Ana liouma ma Djidja Hmida, ana liouma ma Albani, ana smiti Yuka Daga, wafina fina akhwati. Ya Albabour ya Mona, wafin wafin akhwati. Bagouni el visa wal pass, wafin wafin akhwati. Bati wana el millah. Fuck les khidda'ach, rachète la côte si gère une Rockefeller. Sur du Shabi, j'danse la rumba. Parle aux ennemis et t'es viré de la Honda. Édition Cosmos présent. DJ Mourad, tous les têtes. Je bossais ça depuis des années. Si j'ai bossé, ben c'est pour les sentiers. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas de fané. J'vais les laisser dans le vinique, ce soir j'suis dans mon délire, ouais tout seul ça devient terrible. Parle pas trop de folie, même mon bled on est reconnu. Mon frère dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Un plus on a Charlie, ouais n'a pas rien dansé. DJ Morin, ta copine est danger. On sera par le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes la France, in albu holo. C'est DJ KS, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Platine, c'est DJ Kaïs. Je suis سيلي دموع عيني اوراني مستني وقتاش تهز عليا التليفون صوني حب سيلي دموع عيني اوراني مستني وقتاش ترفد عليا DJ Kays au platine. Minuit 2h. Dans Rail Suprême. Sur Skyrock.

C'est moi qui te regarde. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé fait des dés. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui te regarde. C'est pas le quartier maillé déjà. J'ai pas baillé fait des dés. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui te regarde. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé fait des dégâts. Tyson tribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme entre tiens, mais oh, j'suis médaillé. Pas mon lance, négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier. Ton nom de famille sera prise otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour marier. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai taillé fait des dégâts. DJ Kaze, Rail Suprême, yes. Le dimanche soir à partir de minuit, à pas louper. Il est là en pleine forme. Il y a eu une belle session là. Bien. Déchaîné, bouillon. Des sons, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu, donc on les a fait péter. Au bonheur des auditeurs. Pour le bonheur. Je vois que devant toi tu as pris ton portable. Donc soit tu réponds à une meuf, soit tu vas nous filer des dates. Différentes soirées qui arrivent pour DJ Kaze. Ça va être les dates. C'est parti. Comment, quand, à quelle heure? Alors ce mercredi, ce vendredi, je vais à Agadir au Maroc, à l'Actors. Agadir, bah, c'est fort saison là-bas, il fait beau toute l'année. Et le 15 à Amnéville, donc une soirée. Le 19 octobre, c'est à Rotterdam en Hollande, au Blue. Et le 21-22, donc le 21 c'est à Paris, au Select, et le 22 au Blue Crystal, c'est dans le 11e, et juste derrière au Mirano, c'est dans le 95. Et voilà, vous trouvez toutes les dates aussi sur tes réseaux. Ouais, sur les réseaux, n'hésitez pas à cliquer, à aimer. Sur le Facebook, c'est DJ Kaze, et Twitter, Instagram, Snapchat, DJ Kaze Paris. Voilà. Merci Kaze, ça continue, on est parti. Oui, c'est parti. Nouvelle session d'Oreille Suprême. Dans le morning de Default sur Skyrock, elle t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné Fabien. Bravo Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une... Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Une de les 200 €, on n'en parle plus. Eh ben tu passes et je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui le Soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi là? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le morning de Default tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Et la famille. Quand Soprano sort son nouvel album, il choisit Skyrock pour te le présenter en exclu. Ouais, c'est Soprano. Pour sa nouvelle tournée qui démarre le 8 mars 2017 en France avec Skyrock. C'est Soprano dans Planète Rap. Soprano, tous les soirs dès 20h. Et vendredi soir, Planète Rap Soprano, en direct du stade Orange Vélodrome de Marseille. À suivre en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Dimanche soir, DJ Kaze te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. DJ Kaze, jamais contente. T'aurais dû rester qu'un plan. Tu m'as fait perdre mon temps et beaucoup d'argent comptant. Ouais, c'est vrai que j'ai pas le salaire d'un joueur de United. C'est peut-être pour ça que tu me prenais la tête. Mais je sais que t'es pas mieux avec ton autre mec. Comme Erdogan, je peux tout régler en un FaceTime. Mais j'ai plus le time, je suis plus aveuglé par ton charme. Tu vis ta vie, au fond t'es pas heureuse. T'inquiète pas, je te vois. Tu t'affiches, tu fais la folle le soir, t'inquiète pas, je te vois. J'avoue, ça me fait, mais t'as fait ton choix. Je t'avais dit, je t'avais prévenu, t'en trouveras pas d'autre comme moi. Tu vis ta vie au fond des pas heureuses, t'inquiète pas, je te vois. Tu t'affiches, le soir tu fais la folle, tout le monde te voit. C'est mon père. Je suis trop terre-terre, j'ai du coup trop dans le sang. On est comme des petits pites, frérot, nous on lâche pas le coup. J'ai pris de mon grand frère à ce qui paraît, j'ai la même tête. Je veux toujours dernier mot, j'ai un drôle de caractère. Qu'est-ce que tu m'aimes vendre des trous, je quitte mon poche, je m'en bats les couilles. Qui veut t'aider, je crache des douilles, je passerai jamais à la fouille. Je suis à la tour 1, je vais à la tour 2. Récupérer Youssef et on se taille à la tour 3. 350 en shit, 250 en B. Juste après, je vais me caler avec une gadget à la tour 4. Du Biggie, du Tupac, je suis pété, ouais, sous Jack. Avec les coupables, j'ai une tête coupable. Je suis à la K1, je vais à la K2. Boum, boum. Boum, boum, boum. Récupérer la frappe, ouais. Dans le pochon bleu. Ouloulou. Je suis frais de la tête aux pieds, le videur veut me pointer. Je sors un violet, là il veut me laisser rentrer. Toutes les gadjis me regardent de travers. Y'aura rien pour eux, moi je suis pas leur père. Oh mamacita, oh mamacita. Je suis pas en voiture, je te charge en Vespa. Fais pas la penteuse, ne me dis pas que je rappe bien, ouais, garde-le pour toi. Ne t'immunique pas, ne t'immunique pas. Y'a que les seins dans la pièce, ouais, tu veux que je cache quoi. Ce soir Saint-Jaille, ouais, ce soir en Tangaille. Bouteille de Belvédère, je ne bois pas de champagne. Je suis rentré de travers, ouais, ouais, ouais, ouais. Et j'ai croisé mon père, boum, boum, boum, boum. Je suis rentré à l'hosto, ouais, ouais, ouais, ouais. Et il veut j'en trop bled, ouloulou. Et tout le monde fait, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. La, la, la, la, la, la. Je l'ai vu au hasard, il m'a laissé des feuilles. Ouais, je suis en plein gazage, j'ai fait le fou à l'accueil. J'ai pas mon boubou, je suis avec un bon coup. J'ai du bambou, il m'a mis un coup. En gardant mon feu dans la sacoche, lui viton. Je l'ai croisé au feu, ça va, il gère le guidon. Il a raccroché vite, je croyais avec le maton. Je l'ai frotté à la vite, elle a senti le bâton. Et comme a dit Cali, faut pas à la gratte à Paname. N'oublie pas ton écharpe parce qu'il fait belle tête dans les jaunes. Posé avec Y, elle est, on vous met la balade. À nous de trop de flots, on vous regarde et on rigole. Posé avec Raïs, Morito banane, on est posé tranquille, on vous regarde, on picole. J'ai le rien à PS, y'a que des mecs de test. La Colombine qui m'accoste, elle a des bêtes de fesses. Au pire, la bête de cesse. Ouais, ouais, ouais, ouais. Avec Raya dans le bloc à 16. Boum, boum, boum, boum. L'autre mita à nous, c'est 16. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et je cache mon choc dans ses pièces. Je me réveille, je vois pas habillé en rose, frère. J'ai pas la bite, c'est soi-disant volume en costard. J't'ai tendu le pochon bleu, donc vas-y, mets la dose, frère. En ce moment, j'ai des problèmes, tu vois bien, je me couche tard. Mon grand frère est gauche tard, le petit est posté. Maman, t'as plus à t'en faire car le petit est costaud. Elle a tout ce qu'il faut, oui, il faut, ben je vais la coster. Son gâteau fait le fou, ben il finit à l'hosto. Boum, boum, boum, boum. Toute ma vie, on m'a jalousé, j'en suis devenu paro. Mademoiselle, t'as pas l'air gentille avec une tenue parée. J'ai un paquet de soucis, du Dolly dans le parquet de garrot. Donc j'ai pas le temps pour me caler. Je veux des frelons par terre. M'en parle pas, je suis dans le bloc et je fais mon job, je suis rapta, la cliente est pimpante, je suis barbare, mais ça m'empêche pas de lui prendre son number. Ah ouais, elle est partante. Ouais, ouais, ouais, ouais. Le gérant vient de partir. Boum boum boum boum. J'ai au portier de bloqué. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va finir dans le local. Ouloulou. Je quitte le poche, m'en bats les couilles. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je la charge en Vespa. Bouteille de Belvédère. J'ai croisé mon père. Boum, boum, boum, boum. Et tout Marseille crie. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Montpellier est cri, tout Paname cri, tout Lyon cri, et tous les tiens cri. J'ai la tête dans les nuages, j'ai envie de prendre de l'âge. J'suis en mode Emirates Fly, mon zé fait chaud mais le gilet par balle. Petit cigare, chapeau de paille, verre de rosé, j'suis d'aille. Elle a du style, aïe aïe aïe, elle fait trembler les vilaines canailles. Benga benga miyama, pina colada chicha manti signa. Why why why bouge ton corps, chemise ouverte, relax en or. C'est la vida vida vida vida vida vida vida vida loca. C'est la vida vida vida vida vida vida vida vida loca. C'est la vida vida vida vida vida vida vida. Benga benga baila, benga benga baila. Habillé chez des grands couturiers, j'ai jeté les clés aux voitures, yeah. Pour

I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Shorty, what you want? Shorty, what you need? What you need? My niggas run the game, we ain't never leave. Never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. Never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got my money. I'm all the way. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Retourne ma veste. Que quand y'a la chemise dure, tu fais la princesse. Mais tu sens la friture, tu veux mon adresse. 13 euros caisse bitume, fais pas de grandesse. On le porte à la scène, tu es tu chosses. T'as pas l'air d'une grosse pointure, l'hiver je suis en short. Quand pour pas, je fais une teinture, ta montre elle est fausse. Elle donne pas l'heure du turfu, je te jure sur les gosses. On va te mener la vie dure, c'est on sait bien qui sont les ingrats. On sait tous qui sont les lance-bas. Qui te relève quand t'es au plus bas. Être un baillant, ça s'invente pas. J'rappe pour de vrai, où sont mes négros? Dans la rue, on sait qui fait le boulot. Y'a réseaux sociaux et réseaux de pédos. Même dans le noir, on fait briller l'espèce. Appel de part, elle veut m'allumer. Qui t'a validé, j'vais t'annuler. Viens pas nager où tu n'as pas pied. 20 bouteilles, on va noyer le carré. Tout le monde est contre nous. On s'en bat les couilles, on a des sous. Le coup, tu dis à ta folle de quiero. À qui tu crois la faire à l'envers? Chaque fois que tu me dois des sous, t'es plus là. Chaque fois qu'il y a un bout, t'es plus là. J'ai besoin de toi, tu décroches pas. Si je rentre en prison, tu seras plus là. On sait bien qui sont les ingrats. On sait tous qui sont les lance-bas. Qui te relève quand t'es au plus bas. Le crème brillant, ça s'invente pas. Au chambre. Et tout le monde fait ouais. La la la la la la. Suprême, la charge en baisse pas. Bouteille de Belvedere. Et j'ai croisé mon père. J'suis trop terre-terre, j'ai du coton dans le sang. On est comme des petits pites frérot, nous on lâche pas le coup. J'ai pris de mon grand frère à ce qui paraît, j'ai la même tête. J'veux toujours dernier mot, j'ai un drôle de caractère. Qu'est-ce que tu m'aimes vendre des trous? J'quitte mon poche, j'm'en bats les couilles. Qui veut t'être, j'crache des douilles, j'passerai jamais à la fouille. J'suis à la tour 1, j'vais à la tour 2. Récupérer Youssef et on se taille à la tour 3. 350 en shit, 250 en B. Juste après, j'vais me caler avec une gadget à la tour 4. Du Biggie, du Tupac, j'suis pété, ouais, sous Jack. Avec les coupables, j'ai une tête coupable. J'suis à la K1. Ouais. J'vais à la K2. Boum, boum, boum, boum. Récupérer la frappe ouais. Dans le pochon bleu. Je ferai de la tête aux pieds, le videur veut me pointer. Je sors un violet, là il veut me laisser rentrer. Toutes les gâchis me regardent de travers. Y'aura rien pour eux, moi je suis pas leur père. Oh mamacita, je suis pas en voiture, je te charge en Vespa. Fais pas la penteuse, ne me dis pas que je rappe bien, ouais, garde-le pour toi. Ne t'immunique pas, ne t'immunique pas. Y'a que les seins dans la pièce, ouais, tu veux que je cache quoi? Ce soir on s'enjaille, ouais, ce soir on t'enjaille. Bouteille de Belvedere, je ne bois pas de champagne. Je suis rentré de travers. Et j'ai croisé mon père. Boum boum boum boum. J'suis rentré à l'hosto. Ouais. Et il veut j'en trop bled. Ouloulou. Et tout le monde fait ouais. La la la la la la. Je l'ai vu au hasard, il m'a laissé des feuilles. Ouais, j'suis en plein Gaza, j'ai fait le fou à l'accueil. J'suis pas en boubou, j'suis avec un bon coup. J'ai du bambou, il m'a mis un coup. Au gardien mon feu, dans la sacoche, lui viton. Je l'ai croisé au feu, ça va, il gère le guidon. Il a raccroché vite, j'crois y avait le maton. J'l'ai frotté à la vite, elle a senti le bâton. Et comme a dit Khalifa, par à la gratte à Paname. N'oublie pas ton écharpe parce qu'il fait belle dans les geôles. Posé avec Y, elle est, on vous met la balade. À nous de trop de flots, on vous regarde et on rigole. Posé avec Raïs, sous Mojito banane. On est posé tranquille, on vous regarde et on picole. J'ai leur NAPS, y'a que des mecs de test. La Colombine qui m'accoste, elle a des bêtes de fesses. Au pire, la bête de 16. Ouais. Avec Raya dans le bloc à 16. Boum boum boum boum. L'autre mitin à nous c'est 16. Ouais. Et j'cache mon choc dans cette 16. Je me réveille, j'vois pas habillé en rose, frère. J'ai pas la bite, c'est soi-disant voyou en costard. J't'ai tendu le pochon bleu, donc vas-y, mets la dose, frère. En ce moment, j'ai des problèmes, tu vois bien, j'me couche tard. Mon grand frère est au star, le petit est posté. Maman, t'as plus à t'en faire, car le petit est costaud. Elle a tout ce qu'il faut, oui, il faut, ben j'vais l'accoster. Son gars, tu fais le fou, ben il finit à l'hosto. Boum, boum, boum, boum. Toute ma vie, on m'a jalousé, j'en suis devenu paro. Mademoiselle, t'as pas l'air gentille avec une tenue parée. J'ai un paquet de soucis, du Dolly dans le paquet de garo. Donc j'ai pas le temps pour me caler. J'ai vu des frelons par terre. m'en parle pas. J'suis dans le bloc et j'fais mon job, j'suis rapta. La cliente est pimpante, j'suis barbare. Mais ça m'empêche pas de lui prendre son number. Ah ouais, elle est partante. Ouais, ouais, ouais, ouais. Le gérant veut partir. Boum, boum, boum, boum. Si j'ai encore, c'est bloqué. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va finir dans le local. Ouloulou. J'quitte le poste, m'en bats les couilles. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'la charge en Vespa. La, la, la, la, la. Bouteille de Belvedere. J'ai croisé mon père. Boum, boum, boum, boum. Et tout Marseille crie. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Montpellier crie. La, la, la, la, la, la. Tout Paname crie. Roulion crie. Et tous les tchèques crient. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et toutes les villes crient. La, la, la, la, la, la. Et tous mes frères crient. Ouloulou. Et toutes les sœurs crient. Rail suprême. DJ Kist, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. J'suis en mode Emirates Fly. Moi, c'est chaud, mais le gilet par balle. Petit figa, chapeau de paille. Verre de rosé, ah, j'suis d'aille. Elle a du style, aïe, aïe, aïe. Elle fait trembler les vilaines canailles. Benga, benga, miyama. Pina colada, chicha, man, si, signor. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, relax en or. C'est la vie, la vie. Venga, venga, mi ama. Piña colada, chicha, man, si, signa. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. Elle ressemble à Miyuna. C'est la vie d'un miyama. Piña colada, chicha, man, si, signa. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. C'est la vie. C'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Je suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Hey, I'm all in.

Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Pour grandir ce lien, mes voyous veulent l'engranger. K.O.2.B m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue ici, c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million. Toute la journée, j'ai nié, j'ai pas avoué. Et mes sons font te tourner. Un peu comme Melon Sky. Dans la voiture, t'as boulé. Ah ah, y'a des poulets. J'me noie et j'ai pas de bouée. Tu vas finir le corps troué. J'ai qu'un but, j'ai qu'un souhait. Même si t'es sous mon soulier. Et les chemises sur ton palier. Fallait nier. Trop d'ennemis, peu d'alliés. Le game, j'l'ai balayé. J'peux mourir comme Malia. Tu peux pas nier, on prend du Bessia. Arrive au clip en canoncillé. Trop de folles, trop de pillages. J'en ai plus rien à cirer. C'est l'ami de mon ennemi. Et le pompier veut m'excuser. Dis-moi comment c'est. N'écoute pas les clés par cadeau. Fais juste payer les colliers qui rugissent. Moi j'ai grandi dans la street. Et un fleurier m'érogise. C'est pas que je veux faire qu'à côté. Mais non, je te laisse pas mon numéro mis. Je dois mettre l'oseille de côté. Ils sont tous au star, mais en mise. Ils comptent sur moi comme l'Hermès de Ben. Je suis riche, m'en fiche, j'ai pas de fiche de paye. On me paye au black en showcase. Escort des push dans le top case. Nique sa mère qui veut test. Je suis tout spooky mais je vous pèse. Je vous donne encore à l'évrée. Je reste juste au dessus en train de crailler des fraises. Skyrock, rail suprême. Changement d'attitude, ego. Comme d'habitude, je pétinerai plus ce sale bitume. Lego, je suis en attitude. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Skyrock, elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a fait ragnagna. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a fait ragnagna. Vas-y cousine, lève-toi de là. Ce soir je prends le large. Y'a la mèche qui rata. Faut que je le traîne avec moi. Rien qui me casse les caouis. Il passe du coq à l'âne. Il me parle de sa gadi. Ensuite il parle faire un braquage. En route toute la nuit. Apple kiwi ou le banana. Elle fait trop la bande. Et je la traîne par son bandana. Elle est condé à ça. Je cache la salle A. Et ta ceinture bata. Ça va finir au star. Tu fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a fait ragnagna. Fais pas l'étonner, DJ

Malembe. C'est une tasse, dommage, moi je l'aime bien. Putain, je fais la danse et boulanga. Vas-y, casse ton dos, tire la langue. Putain, je la vois, elle est trop belle. Belek, je deviens bête et j'envoie 200 belles. Devant son bouger dans ses bella. Bella, bella. Souris aux photos de mon tel. Ta table, c'est la merde comme dans Koh-Lanta. McFly et mon galotti. Venez, car je sens que ça ne s'ambiance pas. Je suis la courte schneck. Pas tes faces, tes manies et tes nanana. Dès que j'ai vu ta tête, le sort, c'est pas la même qu'à la manana. Rail suprême, minuit, 2h, c'est Skyrock. Suffit pour vous. Oui, Mustapha, oui. En personne, toujours lui-même. En costard, voilà. Élégant, toujours lunettes. La cagoule, voilà. Élégant, okay. Il sait même pas danser dans le carré VIP. Pas, il bouge même comme un asbin. Pas, mais il cherche toutes les copines. Pas, l'équipe est deep. Son porte-monnaie est équipé. Toujours ambiancé, il sait pas danser. C'est un trafiquant dans la cité. Ceinture Air Max. Check body. dimanche soir et c'est Rail Suprême avec DJ KZ. C'est déjà la fin de cette émission. Ouais, c'est déjà la fin. Tu ouais. nous as régalé. J'ai vu le message avec sympa, le hashtag ouais. Rail Suprême sur Skyrock. C'est ça. On revient dans une semaine. Ouais, bah dans une semaine, on remet ça direct. À pas louper comme chaque dimanche soir. D'ici là, on se retrouve à Pont-Soir un peu partout. Bien sûr, ouais, on me retrouve en soirée. Brigadier. Ouais. Ce, ouais. Vendredi donc arrive. On sera le 14. C'est à l'Actors discothèque à Agadir. Le 15 à Amnéville. Le 19 en Hollande à Rotterdam pour nos amis hollandais. Et le 21 à Paris au Select. Le 22 en première partie au Blue Crystal, c'est dans le 11e. Et en seconde partie au Murano. Bon, c'est un peu. Il y a beaucoup de dates, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Facebook. Pour retrouver tout. Voilà. L'intégralité des soirées de Kiss. Il y a tout, tout, tout, et toutes les nouveautés, toutes les news, n'hésitez pas à cliquer. Merci à toi, on se retrouve dans une semaine. Ciao, Kiss. Ça y est, fini ?